Ce n'est pas que ça soit beau, ce n'est pas que ça soit moche, c'est plutôt bof les beaux hommes. Surtout quand ça n'a rien sur le dos et pas de poche où mettre leurs mains les bons hommes. C'est lorsque c'est nu dans votre salle de bain que ça vous coupe les bons hommes. L'envie d'en voir plus, l'appétit pour les pommes, la soif et la faim des bons hommes. Messieurs, il ne faut pas nous suivre pas à pas, ni lever le petit doigt. Pour voir d'où vient le vent, pour voir d'où vient l'amant, l'amour ou la guerre à trois. Le vent, ça se voit quand le vent est au froid, c'est que l'amant est au beffroi. Laissez faire autant son œuvre de printemps, votre patience à votre choix. Vous avez beau, monsieur, faire de votre mieux et vous le mettre en trompette. Vous êtes trop sérieux pour n'être pas vicieux, trop vieux je pour être honnête. Au délicat jeu de dame, croyez-le, je ne suis pas que modestie. Et s'il faut que je le sois, c'est avec le sens inné de la mélodie. Ce n'est pas que ça soit rien, ce n'est pas que ça soit bien, c'est plutôt mieux un jeune homme. Surtout quand ça n'a rien, ni les yeux ni les mains, dans ses poches un jeune homme.